Ouais. Vas-y, viens ici. T'as besoin là-dedans? Moi j'aime ça par terre, moi j'ai même le tapis, je me sens pas, je préfère. Tu sais, parce que ça, moi Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا عباد الله. Aujourd'hui, on aimerait parler d'un sujet qui, comme à son habitude, est important et qui est très important et qui concerne notamment, en gros, la Oumma dans des pays comme celui-ci, comme la France, ce pays dans lequel il n'y a pas de gens de science, il n'y a pas de ulama, il n'y a pas de savants. D'accord ? Donc, ce genre de pays, les gens, ils sont plus à même d'y être noyé dans cet océan que l'on pourrait considérer comme étant le djahl, qui est l'ignorance. Non, l'ignorance. L'ignorance, c'est la base de tous les maux. Tous les maux qui touchent les gens de façon générale, quelle que soit leur religion, le mal qui les fait tomber dans les erreurs qu'ils commettent à longueur de temps, c'est leur ignorance en premier lieu. فهو أصل الشر كله. الجهل هو أصل الشر كله. D'ailleurs, avant que l'islam ne vienne, la période qu'on appelle pré-islamique, en arabe, elle s'appelle al-jahiliya. Al-jahiliya qui vient de jahl, qui est la période de l'ignorance, avant que ne vienne le ilm, la science, apportée par Allah Azza wa Jal, par le biais de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, comme on a dit, cette ignorance cause la tombée des gens, umuman, ou des muslimoun khususan, dans les plus grands fléaux, les plus grands maux, dans leur religion, dans leur dunya, dans leurs relations, dans leur commerce, dans toute situation. Non. Et le plus grand des maux qui à la base, le plus grand des péchés, on va dire, qui à la base est le shirk, comme vous le savez, qui est d'adorer autre que Allah ou d'adorer avec Allah autre que lui. Allez, comme ça. Ce shirk n'a pas eu lieu justement si ce n'est Allah, si ce n'est par l'ignorance en premier lieu. يقول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Dit dans le sens qu'il ne m'a été interdit par mon Seigneur que les turpitudes apparentes ou cachées, ainsi que l'injustice et le péché sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'apportait aucune preuve. Dernière partie du verset, il dit, et que vous disiez sur Allah ce que vous ne savez pas. Et regardez bien, comme on dit le ulama, dire sur Allah ce que vous ne savez pas vient après le shirk, alors que le shirk, à la base, tout le monde sait que c'est le péché le plus grave. Et ce péché du shirk, comme on l'a expliqué, comme l'a dit Ibn Qayyim et autres parmi les ulama, comprendre ce verset dans le sens que le shirk n'a eu lieu justement qu'à cause de l'ignorance et de parler sur Allah sans science. D'ailleurs, la base du shirk est venue, comme l'a rapporté Ibn Abbas, radiallahu anhu, dans un affar rapporté par l'imam Bukhari dans son sahih. À la base, ça a commencé, le shirk est apparu dans le peuple de Nuh, alayhi salatu wassalam. Avant Nuh, il y avait Adam qui était le premier des prophètes. Jusqu'à la venue de Nuh, Il n'y a pas eu de shirk. D'où le fait que Nour soit un messager et non un prophète. C'est un prophète, mais surtout un messager. Non. C'est un prophète, mais surtout un messager. Contrairement à Adam qui n'était qu'un prophète. Car le messager, la différence du prophète, c'est qu'il a envoyé un peuple qui dément un peuple mécréant. Alors que le prophète lui a envoyé un peuple de croyants qui rappelle aux croyants ce qu'ils ont oublié et pour leur annoncer la venue de ce qui va suivre. Donc, un messager, il y a une divergence sur la définition du messager, mais celle-ci est la plus correcte. Allahu ta'ala alam. Donc, le messager n'est envoyé qu'à un peuple qui a mécru ou qui dément. Donc, Nuh est venu et est envoyé au sein d'un peuple qui faisait déjà du shirk. Et cela a commencé comment? Par des gens qui étaient avant lui, qui étaient des gens pieux dans sa communauté. Quand on dit sa communauté, c'est des gens qui étaient proches de son temps, en fait. Le temps de sa venue, de son message. Il y avait des gens pieux qui étaient présents, des gens droits, et qui sont morts. Et les gens les aimaient beaucoup, ces gens-là, dans leur civilisation. Et Shaitan, Iblis, est venu les voir pour leur dire, et si jamais vous faisiez des images à leur effigie pour vous rappeler d'eux, afin de vous motiver dans l'adoration et dans les actes de bien, pour ne pas les oublier, ces gens-là, leur rappel vous amènerait à mieux agir. Donc de là, ils ont trouvé cela comme étant une bonne idée, et ils ont fait. Ils ont façonné leur image. Est-ce que c'est des images par la main ou des statues, je ne sais pas, écrit Souar. Et à la base, tout rentre dedans. Et de génération en génération, après ils leur ont dit, Shaitan leur a dit, et si jamais chacun d'entre vous faisait dans sa maison, justement, une image à l'effigie de ces gens-là. Au début, c'était des choses générales, peut-être sur une place, je ne sais pas. Et ensuite, c'était chacun a eu leur image, leur représentation dans leur maison. Et de génération, on va dire, de génération en génération, les gens ont fini par oublier la cause de ces représentations. Ils se sont mis à faire quoi? À les adorer. Donc le shirk a commencé par quoi? L'oubli, et l'ignorance. Les premiers, eux, n'ont pas fait cela en but d'adorer ces représentations. C'était pour se rappeler, en vue de mieux agir. Et ensuite, de fil en aiguille, les gens après ont oublié. Et de là, ils se sont mis à adorer ces statues, ou ces images, ou autres. Ces images, ces représentations, on va dire. Naam. Donc la base de cela, c'est de l'ignorance, le djahil. Et la base, justement, dans l'être humain, c'est justement l'ignorance et l'injustice. Comme encore le Ta'ala, Innahu kana jahulan ou zaluman jahula. Parlant de l'homme qui disait qu'il est certes, à la base, l'homme est injuste et très ignorant. Regardez, par exemple, qu'est-ce qui représente la nature humaine de base? Un enfant. Regardez un enfant, par exemple. Comme encore le Ta'ala, Il a dit que Allah vous a sorti du ventre de vos mères, alors vous ne saviez rien. Et vous a octroyé la vue, l'ouïe, ainsi que les cœurs, afin que vous puissiez remercier. Regarde un enfant, par exemple. Un enfant, tu mets devant lui un serpent. Un serpent qu'il n'a jamais vu. Qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Est-ce qu'il va avoir peur de lui? Non. Il va essayer de l'attraper. Pour jouer avec. Il ne sait pas c'est quoi. C'est quoi? L'ignorance, le djahil. Il ne distingue pas de ce qui lui est bon, de ce qui lui est mauvais. Il ne sait pas. Mais il est attiré par la chose. Il voit ça devant lui qui bouge, il va essayer de l'attraper. Jusqu'au jour, il saura c'est quoi. Et Kazalik, dans le verset, il n'a aucun zaluman jahula, qu'il était certes injuste, c'est-à-dire l'être humain de base, il est injuste et ignorant. Un enfant prendra ce qui ne lui appartient pas, sans savoir. Il va voir un objet, il va le prendre et partir avec. Il ne va pas se demander ce que c'est un tel ou un tel ou un tel. Il va le prendre. Il va s'approprier. Pour lui, c'est normal. Et un enfant, bien sûr, il est innocent. Mais regardez bien, son innocence, c'est quoi? Son ignorance, en fait. Lui, il ne veut pas faire du mal ou faire du bien. Il fait ce qui traverse l'esprit. Il ne sait pas et il ne réalise pas et n'assimile pas forcément du premier coup. Donc c'est ça la base de l'être humain. Il est injuste et ignorant. Donc, avant que l'islam ne vienne, cette période s'appelait al-jahiliya, la période de l'ignorance pré-islamique. Car les gens étaient dans l'ignorance, ils n'avaient pas de religion. Mais que des religions étaient venues auparavant. Il y a eu des koutoubs, des messagers, mais entre la vue de Isa alayhi salam et celle de Mohammed alayhi salam, on a ce qu'on appelle el fatra, les gens de la période où il n'y a pas eu de révélation. D'ailleurs, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu chez les à Quraysh, qui étaient des Arabes, ils avaient encore juste des restes de la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. C'est tout. Mais en réalité, ils n'avaient pas de révélation avec eux, pas de livre. D'ailleurs, ils étaient appelés les Oumiyyun. Vous voyez, ils étaient appelés les Oumiyyun, c'est-à-dire une communauté qui ne sait ni lire ni écrire, qui n'a pas de livre en fait. Contrairement aux gens du livre qui, eux, avaient reçu des kutub, hein, comme l'Injil de Isa alayhi salatu wassalam, et avant cela, la Torah de Moussa, et les autres kutub qui ont été nommés dans le Coran, et ceux qu'on ne connaît pas. D'accord. Quand en général, les messagers venaient avec un livre, en général, mais ce n'est pas, hein, c'est pas obligatoire. Mais cela, il était dit que Youssouf est venu sans livre. Et c'est un messager, Youssouf, alayhi salatu wassalam. Le shahid, c'est que ce jahil, eh ben, c'est lui qui nous cause le mal que l'on voit au fil des temps, tous les jours, dans les foyers, à l'extérieur, au travail, même au masjid, partout, car les gens sont ignorants. Et ce mal, il faut le combattre par son opposé qui est l'ilm, qui est l'enseignement. Et là, quand on parle de ilm, on parle du ilm shar'i. On ne parle pas du ilm, on ne parle pas du savoir, devenir un ingénieur, devenir un médecin, devenir un architecte. Là, on parle du ilm shar'i, c'est-à-dire connaître les règles de la religion, connaître ce qui est venu de la révélation, qu'Allah, Allah, qu'Al Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, et comment ont compris cela les sahaba. Adawal ilm. Et ce ilm-là, à la base, eh ben, c'est le os de tout le bien. Comme Allah Ta'ala, et celui qui a reçu la sagesse a reçu un bien immense. Et là, la sagesse, c'est l'ilm, c'est le savoir. C'est le savoir. Donc, quand on ne connaît pas une chose, on a pour habitude de la combattre, de la repousser. Déjà, hadith an ibn Mas'ud, radiallahu anhu, قال كأنني أنظر أو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كأنني أنظر للنبي من الأنبياء ضربه قومه وأدماه ويمسح الدم عن وجهه ويقول يا ربي اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. كابن مسعود رضي الله عنه يدي que le Nabi صلى الله عليه وسلم lui a dit c'est comme si je voyais un messager, en fait il parlait de lui-même. Je voyais un messager qui s'est rendu près de son peuple et ces derniers l'ont frappé, l'ont rejeté au point de le faire saigner. Il essuie le sang de son front en disant « Ô Seigneur, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. » Ils ne savent pas. Donc le problème, c'est le djahil. Ils ont refusé, d'accord, le message, car ils ne savaient pas c'était quoi. Concrètement, toute personne qui a un minimum de raison et qui entend parler d'une religion comme celle de l'islam et des bienfaits qui en découlent, et tous les intérêts que cela apporte à l'humanité et non pas à titre individuel, il ne peut que reconnaître cette religion comme étant véridique. Même s'il ne la veut pas, il ne pourra pas dire que cette religion-là l'appelle au mal. Mais pour des raisons internes que Allah Azzawajal est le plus savant, il peut la refuser par orgueil, pour ne pas délaisser, par exemple, la religion de ses parents, comme ce fut le cas d'Abu Talib, donc du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui savait que son neveu était véridique, il l'a cru, mais il n'a pas voulu. Par orgueil, et poursuivre ce sur quoi il était. Et il est mort sur le shirk, wal'ouzou billah. Héracle, celui qu'on appelle César, lorsqu'Abu Sofiane, avant qu'Abu Sofiane devienne un sahabi, il était encore dans le shirk, il est parti le voir, et Héracle l'a interrogé à propos du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de l'islam. Parce que cet homme-là était une personne intelligente. Et il savait qu'il y avait des prophètes et des messagers. Et il connaissait quelles étaient leurs caractéristiques, leurs attributs. Donc il a interrogé Abu Sofiane à propos de cet homme-là. Qu'est-ce qu'il dit? À quoi il appelle? Est-ce qu'il est ceci? Est-ce qu'il est cela? Et à la fin, il a dit quoi? Hirak, il l'a dit, ce que tu me dis est vrai à propos de cet homme-là, il va posséder ce qui est sous mes pieds. C'est-à-dire, sa religion va nous dominer, quoi. Il va arriver jusqu'ici. Il a dit, si jamais je le rencontrerai, je lui laverai les pieds. Vous voyez? C'est-à-dire que lui-même a reconnu qui était le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, pour garder le pouvoir, finalement, il n'a pas accepté l'islam. Bien qu'au fond de lui, il le reconnaissait. Donc beaucoup, c'était cela. L'islam, au fond d'eux, comme Quraysh. Les Quraysh, ils savaient que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était véridique. Ils ont toujours dit que même avant l'islam, que devienne la révélation, il était véridique. Il n'a jamais menti, cet homme-là. Donc ce qu'il dit, on sait que c'est vrai. Mais on ne veut pas délaisser les dignités de nos ancêtres. Ah ben. Donc les gens, une fois que l'islam leur est parvenu, tu vas les voir soit l'accepter ou soit s'y opposer. Et tu as ceux qui s'y opposent de façon hostile, c'est-à-dire en faisant la guerre, en parlant sur les musulmans, en tentant de mentir sur Allah Azawajel et en tentant de salir l'image de cette religion. Alors qu'au fond d'eux, ils savent. Allah Azawajel, wa man azlamu mimman da'a wa man da'a ila Allah wa man azlamu man iftara 'ala Allah kadhiba wa yud'a ila l'islam. Wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Et qui donc est plus injuste que quelqu'un que l'on appelle l'islam, ou plutôt que quelqu'un qui ment, d'accord, alors qu'on appelle l'islam et qui ment sur Allah Azawajel. C'est-à-dire tu le fais da'wa et lui pour refuser, il ment. Il est prêt à dire n'importe quoi juste pour refuser, pour avoir ce qu'on appelle le dernier mot. Et cette personne-là, comme le dit Allah Azawajel, qui est plus injuste que lui. Donc, ce jahl, il amène, comme on l'expliquait, au shirk. Également, il amène à un autre mal, qui est le plus grand péché après le shirk, qui est la bid'a, qui est l'innovation. Le fait d'apporter en religion ce qui n'en fait pas partie. Car celui qui fait cela, il agit comment? Par ignorance. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Celui qui accomplit une chose qui ne fait pas partie de notre enseignement, donc c'est une chose qui vient de l'ignorance, elle sera refusée. C'est-à-dire Allah Azzawajal ne l'accepte pas. Celui qui innove, ce qu'il fera ne sera pas accepté. Et tu verras que l'ignorant en religion se permet d'émettre des règles selon ses goûts, selon les couleurs, selon ses sentiments, selon ses émotions, selon son entourage. L'ignorant fait comme ça en général. Il va dire ça c'est haram. Pourquoi? Ah, chez nous ça se fait pas. Dis ça se fait pas, dis pas c'est haram. Ça c'est Allah Azzawajal qui rend les choses haram, qui les rend halal. Dis pas c'est haram. Quand ils n'aiment pas une chose, ils vont dire c'est haram. Et quand ils aiment une chose, ils vont dire c'est halal. Voyez? Par exemple, à titre d'exemple, une sunna qui est fortement délaissée, as-salat in-ni'am, par exemple, la salade dans les chaussures. Voyez? La salade dans les chaussures. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, khalifu mushrikin, salu fi ni'alikum. Il a dit, contredisez les mushrikoun, il fait la salade dans vos ni'al, dans vos chaussures. Donc, à ذلك, قد سئل أنس قال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعاله قال نعم il lui a été dit est-ce que le Nabi صلى الله عليه وسلم faisait la salat dans son ni'al il a dit oui c'est-à-dire que là-bas c'est comme ni'al quand tu ne peux pas tu les mets devant toi tu dis tes chaussures d'accord et si tu ne peux pas les mettre devant toi quand on dit devant toi c'est pas devant le quand tu fais le soujoud c'est devant toi entre tes jambes en fait et tu ne peux pas tu les mets à ta droite ou à ta gauche tant qu'elles soient à la droite de quelqu'un en fait. Regardez aujourd'hui, par exemple, combien de gens se plaignent de se faire voler leurs chaussures au masjid. Il y a des belles chaussures toutes neuves, mashallah, il ressort, il est pieds nus. Pourquoi? Parce que maintenant, les ni'al, on les met dans les étagères. La sunna, c'est quoi à la base? Faire salat avec. Le fait qu'on délaisse une sunna, ça a amené à d'autres déboires, qui est de trouver des rangements, mettre les chaussures. Maintenant, comme justement les gens sont ignorants, et réagissent mal, les ulama disent le fais pas. Car éviter un mal en islam prédomine sur le fait d'apporter un bien. D'accord? Et si jamais demain tu es avec tu fais ça dans le masjid, tu vas te faire frapper. Tu vas te faire insulter. Et peut-être que ils vont te kaffar. Ils vont dire t'es un mécréant. Tu vois? Ils vont dire comment tu rentres dans le masjid avec tes chaussures. Tu vois? Et ça, c'est à cause de quoi qu'on vient de le dire? Du jahil. Les gens, ils sont ignorants. Ils ne savent pas. Donc, ils ont jugé cet acte par leur raison. Tu vois? Par leur raison. Et quand tu leur demandes pourquoi je peux faire la salade avec les ni'al, ils disent c'est la bride d'Allah. Ils disent est-ce que chez toi tu mets tes chaussures? Tu dis non, je suis à l'ordre. La maison d'Allah est plus en droit d'être respectée. Tu dis justement le respect, c'est faire la sunna. Fais pas un qiyas, comme on dit une analogie entre ta maison et le masjid. Le masjid a ses règles, ta maison a ses règles. Même dans la maison, tu peux faire salat avec ni'al. Salat surrogatoire, tu peux le faire dans ta maison. Là, on parle de salat. Ouais. Ils disent, t'as marché dans la rue avec, t'as fait ceci, t'as fait cela. Justement, parmi les choulottes de faire la salat dans le ni'al, dans les chaussures, c'est de regarder déjà avant s'il n'y a pas de saleté en dessous. Ça, c'est une condition. C'est pas tu rentres comme ça et tu fais la salade. Parce que tu as les choses en dessous et tu vas salir. À la base, si tu regardes s'il n'y a rien en dessous, s'il n'y a rien, tu rentres, tu fais ta salade. C'est la base. Vous voyez? Donc les gens, quand tu leur demandes, ils vont te dire, ça se trouve, tu as marché je ne sais où, tu vois. Tu dis, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que la salade, il faut la faire dans le Nihal. Donc ça veut dire, si je marche quelque part et que mes Nihal sont propres, le bien, c'est pas ce que toi tu dis. Le bien, c'est ce que tu combats, c'est-à-dire le faire la salade dans la nirelle. Et là, il va te dire, oui, mais. Il y en a, ils vont te dire, oui, mais il y a la moquette. Maintenant. On dit, ah, c'est quoi ton problème? C'est le mosquito ou c'est la moquette? Donc, s'il n'y a pas de moquette, je peux. Tu vois? Et là, il va dire, non, pareil. Donc, tu dis quoi? Pour toi, la moquette est plus respectable que le mosquito, en soi. Donc, en fait, les gens, ils. Comme ils sont habitués à ne bah, pas avoir les chaussures, ils ont jugé avec leurs habitudes. Là, c'est un exemple. Hein. Vous voyez, c'est un exemple. De choses qui font que lorsque un rythme te vient, tu ne le connais pas, bah, tu le rejettes souvent. À part quelqu'un, vous voyez, qui est mouafak, à qui on a donné le tawfiq, qui sait qu'il ne sait pas, en fait. Donc, quand on dit une chose nouvelle, il écoute. Il écoute, il demande c'est quoi le dalil. Parce qu'il sait qu'il ne sait pas à la base. Donc on peut lui apporter une chose en religion, d'accord? Et qu'il ne connaît pas. Il n'a pas directement la réaction de repousser. D'ailleurs, c'est une réaction qu'on doit avoir avec les gens du livre. Les gens du livre, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens du livre, par exemple, demain on a une information qui vient de leur livre, et cette information ne s'oppose pas à la révélation, tout comme. La révélation n'a pas un texte qui confirme, on ne peut pas dire que c'est vrai ou que c'est vrai. D'accord? Si demain tu entends par exemple qu'un Nasrani, un chrétien qui te dit ou dans la Bible on dit telle et telle chose, et que cette chose qu'il te cite ne s'oppose pas à l'islam, tout comme on n'a pas dans l'islam un texte, d'accord, qui confirme cette chose-là, pour dire c'est vrai. Qu'est-ce que tu dois faire toi? Tu dois ni la démentir ni la prouver. Pourquoi? Qu'il se peut que tu démentes une chose qui soit vraie? Parce que Allah ne nous a pas tout dit par rapport à Al-Kitab. Il a dit ce qu'on devait savoir, c'est tout. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas d'eux. Dans leur shadriya, dans leur législation, dans leur sharia. Et tout comme, tu ne peux pas dire, ah ouais, c'est bien ce qu'ils font. C'est vrai, en effet. Et dans l'islam, tu n'as rien qui le prouve. Parce qu'il peut que ce soit une chose qu'ils ont inventée. Même si toi, ton aql, il voit que c'est bien, tu ne sais pas. Vous voyez? Un autre exemple, que des gens, mesalem, une masala qui est connue, le masal al-khufayn, le fait d'essuyer sur les chaussettes. En gonflant le dos. Qu'allait Ali ibn Abi Talib, radhiyallahu anhu, qu'allait l'eau qu'un adim bi ray, la qu'un asfal al-khuf, ou la bil mas, ou la qu'un raïk nabi sallallahu alayhi wa sallam, massa zahir al-khufayn. Il a dit, la religion était, selon les opinions, il a dit, le dessous des khufs serait plus en droit d'être essuyé. Il dit, pourtant, j'ai vu nabi sallallahu alayhi wa sallam essuyer au-dessus comme ça. Pourquoi on se dit ça où les saletés en général? C'est en dessous. En dessous que c'est sale. Quand on marche. Et pourtant, le Nabi Salim, il l'a fait où? Au-dessus. Donc il a dit bien à Ali. C'est un affaire, il est super important. Il a dit si Amis, ça avait été avec la logique, j'aurais pas fait au-dessus. Mais j'ai vu le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faire au-dessus, donc je l'ai fait au-dessus. Tu vois? Donc la religion, le dîn, il se connaît par le dalil. Par le Coran, comme vous le savez. Et par la sunna authentique, parce que la sunna, il y a des hadiths qui sont faibles, des hadiths qui sont mensongers, des hadiths qui sont inventés. Et, troisième point important, avec la compréhension des sahaba, ceux qui étaient présents, qui ont vu le Coran descendre, en quelle situation, à quel moment et pour quelle raison, et qui ont entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire, ou faire, ou approuver une chose qu'on appelle la sunna, même s'il ne l'a pas faite, il l'a approuvée, il l'a acquiescée. Et ils savent à quel moment cela s'est fait. D'accord? Et quand le Coran est descendu, ils savent tel verset, qu'est-ce qu'il veut dire. Car des fois, un verset, il est tel qu'il apparaît. Et des fois, le sens du verset, c'est autre que ce qui t'apparaît à toi. Et tu as besoin d'un tafsir, d'un sahabi, pour te dire, en fait, ce verset veut dire telle et telle chose. Pourquoi j'ai vu quand il est arrivé et j'ai vu pourquoi il est descendu. C'est pas forcément comme le verset t'apparaît que tu vas juger. Donc ça t'amène à quoi? Toujours à devoir revenir aux gens de science. Revenir au jeune sens avant d'agir. Ce jahel, l'ignorance, peut causer ta perte et celle des autres. Ta propre perte à toi et celle des autres. Exemple de ta propre perte, dans le hadith de... je crois que c'est Abu Sa'id al-Khudri ou Abu Musa al-Ash'ari, j'ai un doute, j'ai oublié sur le moment. Le hadith de cet homme qui avait tué 99 personnes. La'allakum ta'rifuna le hadith, le ma'ruf. Cet homme avait tué 99 personnes. Fasa'ala an a'lam al ard. Il a interrogé à propos de la personne la plus savante sur terre. Fadulla ala rahib. On l'a indiqué d'aller vers un moine. Il est parti voir ce moine. Il lui a dit, quand elle tout, il fait l'imen toba. Il a dit, tu es 99 personnes, est-ce que je peux me repentir? Le rahib lui a dit non. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il l'a tué. Il a tué ce moine. Après, il a continué à vouloir se repentir. Il a demandé à propos d'un homme savant. Cette fois-ci, les gens lui ont indiqué un vrai savant. Il lui a dit quoi? La même question. Cet homme lui a dit oui, tu peux te repentir. Pour condition que tu quittes ce lieu dans lequel tu es, parce que c'est un lieu de mal, et tu vas recommencer. Donc quitte ce lieu et va vers tel et tel lieu là où il y a des gens qui adorent Allah Azawajal et adorent Allah avec eux. Le hadith. Donc, qu'est-ce qui a causé la perte de ce moine? Il a parlé sans science. Il s'est fait tuer. Également, il y a un hadith qui est venu, sur lequel il y a une divergence par rapport à son degré d'authenticité. À l'époque des Sahaba, qu'un homme il a été blessé à la tête, il saignait de la tête, et il a été en état de janaba. D'accord? Il a besoin de faire le roussel. Face à Ashab al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comment je fais? Et ils l'ont dit, tartassil. Tu fais le roussel. Il s'est lavé, et l'eau elle était froide, c'était en hiver, il me semble, où j'ai que l'eau était froide. Il s'est lavé, il est mort. Il s'est lavé, Fialan, et il est mort. Parce que le Nabi sans famille l'a entendu ça, il s'est mis en colère. Il a dit Qatalahu, Qatalahumullah. Et le doa, c'est un doa. Les ulama ont expliqué que c'est un doa, c'était pas dans le sens que la l'étude, dans le sens que c'est un doa de blâme, en fait. Contre eux. Et il a dit Shifa al-Ay al-Su'al. Il a dit que le remède de l'ignorance, c'est la question. Donc ces gens, à ce moment-là, avaient malheureusement fait une erreur d'émettre une fatwa sans science. Ce qui a coûté la vie à cet homme. Donc là, c'est eux qui ont causé la vie à un autre. Qui ont causé la perte de la vie d'un autre. Et dans le hadith de l'homme qui a tué 99 personnes, c'est lui-même qui s'est causé sa propre perte. En parlant sans science. Et ça, c'est à titre, on va dire, physique. Car en réalité, le djihl, même si tu ne meurs pas, tu n'es pas blessé, eh ben, tu peux tomber dans ce qu'il y a de pire, ben, le shirk, comme on l'expliquait au début, ou la bid'a. Ou même les péchés. Même les péchés. Quand tu vas faire une chose qui est halal, qui est haram, tu ne le sais pas. Et tu ne vas pas demander, est-ce que je peux faire telle ou telle chose, est-ce que c'est permis? Tu ne vas pas demander, et tu vas dire, je ne vois pas qu'il y a de mal à le faire. Tu vas la faire, et après tu vas entendre, mais en fait, non, c'était haram de faire ça. Bon, dans le commerce, combien ils tombent dans le riba, avant de demander. Dans plein de choses, les gens n'interrogent pas, d'accord? Et ils disent, je ne vois pas de mal là-dedans. Il agit, et après on lui dit un jour, t'as fait ça, non, mais ça c'est du riba, c'est de l'usure ce que tu as fait dans tes transactions, par exemple. Ou tu as vendu tel objet, cette vente elle n'est pas valide, parce que telle et telle chose, tu vois. Donc il faut qu'il demande, il n'a pas demandé, il agit selon ses impressions. Ou ce qu'il voit autour de lui, il voit que tout le monde fait ça, par exemple, comme on disait en France, il voit les commerçants comment ils font du commerce, mais il fait comme eux. Il se base, il dit, oh, mais c'est pas illégal dans les lois, on dit, on parle pas des lois des koufars. Inch'Allah, ce que tu as fait c'est haram. Même si la police, ils vont rien te faire, Yom Al-Qiyama, cette vente que tu as faite, elle aura des conséquences. Enfin, le muslim, awalan, yanzur bi dini. C'est sa religion qui prime. S'il peut le faire, il peut ne pas le faire. Et ainsi de suite. Et le fait de ne pas apprendre peut te causer que Allah Azzawajal se détourne de toi. Comme dans ce hadith, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam donnait un enseignement à ses compagnons, et trois hommes sont rentrés. فأحدهم وجد فرجة فجلس فيها والثاني ابتعد شيئا ما والثالث أعرض خرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم عن هؤلاء الثلاثة je peux vous parler à propos de ces trois là قال أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله le premier c'est celui qui s'assit dans l'assise il a dit il est venu vers Allah Allah l'a abrité أما الثاني فاستحيا فاستحى الله منه. Le deuxième, il était gêné, Allah était gêné de lui, celui qui était un peu loin. قال الثالث أعرض فأعرض الله عنه. Il s'est détourné, Allah s'est détourné de lui. Il n'a pas voulu apprendre. وسنأخذ هذا في كتاب نواقض الإسلام, qui est le dernier nawaqid qu'on va prendre, inshallah, qui est Al-I'rad. Al-I'rad, c'est le fait de se détourner, ne pas vouloir apprendre, ne pas vouloir comprendre. C'est une chose qui peut te faire sortir de l'islam. Al-I'rad est tam, de se détourner totalement d'apprentissage. Tu n'en as rien à faire, je ne veux pas savoir. Ça ne m'intéresse pas. Le Nabi Salam, est-ce que tu l'aimes? Ça ne m'intéresse pas. Tu ne l'aimes pas? Ça ne m'intéresse pas. Faites votre vie chez ma vie. Là, ça ne me concerne pas. Alors, c'est la titre de Waqto, Inch'Allah. Donc, cet i'rad tam te cause que Allah Azza wa Jal yu'rid ank. Également que lui-même se détourne de toi. Wali Azza Billah. Et Huna Fa'ida, ce jahl, il a été mis en deux catégories. Ma'roufan. Tu as al-jahl al-basit, ce qu'on appelle l'ignorance de base. L'ignorance simple. C'est quelqu'un qui ne sait pas. Et il sait qu'il ne sait pas. Donc lui, il demande à apprendre. Lorsqu'on lui enseigne, il écoute. Attention, on précise bien, quand on dit t'écoutes, t'apprends, tu n'apprends pas n'importe qui, tu n'écoutes pas n'importe qui non plus. Et c'est également seulement du ilm, savoir de qui prendre. Ça, c'est encore un autre degré. Tu as des gens, par exemple, également, ils sont là, ils veulent apprendre, ils disent je veux apprendre. Et ils vont écouter n'importe qui. Elle dit non, tu n'écoutes pas n'importe qui. Parce que également, c'est du jahl. Il faut que tu saches qui est apte à t'enseigner. Car dans notre religion, tu as des gens qui t'appellent au mal. Regardez par exemple ce qui est l'exemple cité de cet homme qui était blessé, qui a demandé. Il a demandé. Cependant, il a demandé des gens qui ne savaient pas. Résultat, il est mort. Cet homme qui a tué 99 personnes également, au début, il a demandé. Il ne savait pas qui était le savant. Il n'a pas distingué qui était le vrai savant du mauvais. Et résultat, il a tué cet homme. Donc toi, tu dis, t'apprends à distinguer. Savoir vers qui te retourner pour pouvoir poser des questions et apprendre ta religion. Non. Donc on a dit, ça c'est le jahl al-basit. C'est l'ignorance qui est de base. L'ignorance qu'on appelle simple. C'est quelqu'un qui ne sait pas et il sait qu'il ne sait pas. Lui, généralement, il s'agit. Quand tu lui parles, il l'écoute. D'accord ? Lui, il est réceptif. Il est modeste. Il dit, je ne sais pas. Je veux savoir. Et tu as le deuxième qui est al-jahl al-murakkab. L'ignorance que toi-même, que tu fabriques en fait. Et ils ont traduit ça par ignorance aggravée. C'est-à-dire en fait, c'est celui qui ne sait pas, il ne sait pas qu'il ne sait pas, il croit qu'il sait. Il ne sait pas, il ne sait pas qu'il ne sait pas, il croit qu'il sait. Et lui, il fait des dégâts. Donc c'est ignorant, dans quel sens ? Il ne sait pas. Et quand tu as parlé avec lui, il va te faire croire qu'il sait. Il va se mettre à parler dans des choses qu'il ne maîtrise pas. Et là, il va se perdre. Et si tu l'écoutes, il va te perdre avec lui. Malheureusement. Et celui-là, il est fatigant. Le premier, c'est une étape par laquelle on passe tous, c'est obligé. Comme dans le verset, « Wallahu kharajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a » que Allah vous a sorti devant de vos mères, vous ne saviez rien. Même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec la révélation de lui vienne, il ne savait rien de la législation. Ça, c'est pas blâmable, ce djihl-là. À partir du moment où tu sais que tu ne sais pas, tu vas apprendre. C'est le deuxième qui est dangereux. Et il y a encore une autre forme de djihl qui est Adam al-amel bil-ilm ma'al-ilm. C'est le fait de ne pas agir avec science alors que tu sais. Tu sais, mais tu contredis. Et tu ne fais pas. C'est un djel, Kazalik. C'est pour cela que Youssouf alayhi salam, lorsque ses femmes ont voulu le séduire, qu'il a voulu retourner vers Allah Azzawajal, il l'a dit dans le sens, où il l'a dit, Allah Azzawajal, وَنْتَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَزْبُوا إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ جَاهِلِينَ. Il a dit, tu ne détournes pas de moi leur complot, je vais pencher vers elles, et je serai du nombre des ignorants, il a dit. Des ignorants. Il n'a pas dit des perdants ou des ceux qui font des péchés. Il a dit des ignorants. Pourquoi ? Car il sait que ce qu'il va faire, c'est haram. Il n'a pas le droit de le faire. Mais s'il tombe dedans en sachant que ce n'est pas permis, c'est de l'ignorance. C'est pour ça que même une personne qui, à la base, a du ilm, D'accord? Qui sait? Et qui contredit ce qu'il sait, tu dis à ta jahil. Et tu dis, mais je connais, j'ai appris, justement, à ta jahil. Tu connais, tu as appris et tu contredis et tu délaisses, en sachant, en connaissance de cause. Et pour preuve, ce verset-là. Et Allah Azawajel a déjà blâmé, ne serait-ce que son prophète et messager Nuh, qui l'interrogeait d'une chose qu'il ne veut pas demander. Quand il y a Nuh, inni a'izuka an takuna min jahilin. Nuh, inni a'izuka. Qu'il a dit quoi? Il a dit à Nour, n'interroge pas à propos de ton pas de science. C'est-à-dire une chose qui, à la base, tu ne savais pas et tu as demandé d'une façon qui ne convenait pas à propos de son fils. Lorsqu'il était noyé, d'accord? Car Allah Azzawajal avait promis à Nour qu'il allait sauvegarder sa famille. Il a dit, mon fils, c'est ma famille. Et Allah Azzawajal, en fait, quand il dit sa famille, il disait, les croyants, c'est eux ta famille. Il ne l'est pas des tiens. Donc il a dit, je t'exhorte à ne pas être du nombre des ignorants. En demandant une chose qui ne convient pas. Également. En demandant une chose qui ne convient pas. Donc à Zalik, lorsque Moussa alayhi salam a dit au Bani Israël, dégorgez la vache. Est-ce que tu nous prends en raillerie? Vous voyez, il a dit quoi? À la fin, il a dit Auzubillah nakum min jahilin. Ce que je dis, c'est sérieux. Et je recherche auprès d'Allah du nom des ignorants. Je ne vais pas rigoler avec ce genre de choses. C'est une chose qui est sérieuse. Femtom. Donc ce jahil, vous voyez, tu peux être considéré comme étant un jahil quand tu sais que tu n'appliques pas. Et d'ailleurs, c'est une chose qui a causé la colère d'Allah Azawajal sur les Bani Israël. Dans le Fatiha, on demande justement à Allah Azawajal qui nous guide le chemin droit. Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-lazina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim wala dhallin. Guide-nous le chemin droit, et non pas le chemin de ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés. Les égarés qui sont-ils? Comme vous le savez, c'est le Nasara. Pourquoi ils sont égarés? Car ils ont agi sans ilm. Sans ilm. Ils ont agi sans savoir. Comme ce prêtre, ou ce moine tout à l'heure, qui a parlé et qui s'est fait tuer. Les Nasara, c'est ça. Ils agissent sans savoir. Et les Yahoud, ils ont su, mais n'agissent pas. Voire pire, contredisent, démentent, déforment. Enfin, eux, ils ont encouru la colère d'Allah Azzawajal. Ou Adam Nedjahil, Kazalik. Adam Nedjahil. Donc, malheureusement, comme on disait au début, dans des pays comme la France, où il n'y a pas d'ulama, ben, les gens, ils sont noyés dans le Jahil. Malheureusement. Et on en voit très peu faire l'effort d'essayer d'apprendre et de comprendre. Et par la suite, d'appliquer. C'est pas seulement tu apprends pour comprendre. Mais c'est également tu appliques. Le but, c'est d'appliquer derrière. Mais quand c'est théorique, en mesure de tes capacités, bien sûr. Et tu vas à ton niveau. Va pas trop vite. Si tu vas trop vite, tu vas t'essouffler, tu vas t'arrêter. Et également, va pas trop lentement, parce que sinon, tu vas rester tout le temps en arrière. Va à ton niveau. Mais avance. Tu vois. T'avances, t'apprends au fur et à mesure. À ton niveau, selon ton temps, tes capacités. Et surtout ce que tu apprends, tu l'assimiles, tu l'appliques et tu tentes de le retransmettre à ton niveau, à d'autres, en faisant la nasiha, le conseil. Hada wa al-amr bil ma'aruf wa an-nahy 'anil munkar, qui est justement l'ordonnance du convenable et l'interdiction du blâmable. Et ça, tu ne peux le faire qu'avec du rhin. Ce qui est convenable, comment tu vas le connaître? Par le rhin. Et ce qui est blâmable, comment tu vas le connaître? Par le rhin. Pas par tes émotions, pas par tes humeurs. Pas par les coutumes, par le ilm. Comme encore le Ta'ala, « وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْرُونَ لِلْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْلُوفِ وَيْنَعَانُ عَنْ مُنْكَرْ وَأُولَيْكَ الْمُفْلِحُونَ » Que soit de vous une communauté qui appelle au bien, qui interdit le blâmable et ordonne le convenable, ce sont ceux-là qui réussissent. Donc cela ne peut avoir lieu qu'avec du ilm, avec du savoir. Et Kavalik, qui sont les gens qui craignent le plus Allah Azzawajal? Al-ulama. Comme a dit le Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadi al-ulama. Seuls parmi les serviteurs d'Allah le craignent, les savants. Pourquoi? Car les savants, ils ont l'ilm. Donc ils savent qui est Allah Azza wa Jal. Vous voyez? Comme a dit le Ta'ala, ma qadarullah haqqa qadarih. Qui n'ont pas estimé, en parlant des gens de façon générale, qui n'ont pas estimé Allah sa juste valeur. Voilà pourquoi ils le désobéissent. Ils ne se rendent pas compte de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. De qui il est en réalité. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants. Ils oublient Yom Kippour quand ils seront interrogés. Ils oublient souvent la mort, ils oublient la question dans la tombe, ils oublient plein de choses. Ou ils minimisent la chose. On dirait pour eux, c'est ça que ça va passer. Tu ne sais pas si ça va passer. Pourquoi? Parce que tu ne réalises pas la chose. À l'exemple de l'enfant qu'on a dit au début qui voit le serpent, il ne sait pas c'est quoi, donc il veut l'attraper le serpent. Mais le problème, c'est que nous, il se peut qu'on se rende compte de cela, il est trop tard. Quand? Après la mort. Quand on sera interrogé. Tu vois? Quand on sera interrogé par rapport à ça. Donc, hazal, nasiha fi haza, alayna nattaqi Allah azza wa jal, wa an nata'allam dinana, andaman wa ahlun lah. يعني لهذا التعليم il faut qu'on craigne Allah Azza wa Jal. Ça c'est parmi la taqwa, d'apprendre la religion. On avait dit la taqwa c'est de mettre entre nous et la colère d'Allah une protection. Et on avait dit quoi? An tuti'u Allah ta'mal bi ta'atillah ala an-nur. Que tu œuvres dans le sens d'Allah Azza wa Jal ala an-nur, à la lumière, c'est-à-dire avec science. Avec science. Fal-ilm ta'allum al-ilm min taqwa Allah azza wa jalla. Ça fait partie de la crainte d'Allah, qu'on souvent on appelle piété, et on voit le mot crainte est plus approprié. Naam. Fa'adha alladhi aradna natazakkar fi hadha al-maqam wa naktafi bi hadha al-qadr wa subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.